Alors, en cette fête des mères, j'ai la joie de vous partager que l'évangile d'aujourd'hui parle presque 10 fois du mot Père. Mais, pas de panique, ce Père des cieux veut non pas nous enfanter à la vie tout seul, mais sa grâce, il nous la donne par une mère. J'aimerais aujourd'hui vous parler de ma mère. La question est laquelle? Parce que j'ai plusieurs mères. La première à qui je dois beaucoup, à qui en fait je dois la vie, eh bien c'est ma mère biologique. Anita, elle s'appelait. Parce qu'elle est décédée malheureusement. Certainement que ce soir, elle est avec nous dans cette assemblée. Mais ma mère biologique m'a non seulement donné la vie, mais elle m'a aussi appris à aimer. Elle m'a non seulement donné la vie et appris à aimer, mais en plus, elle m'a appris à être honnête. Je me souviens qu'elle disait: Soyez honnête dans les petites choses, puis vous allez l'être dans les grandes. Puis il y avait d'autres petites phrases de sagesse comme ça. Mais peut-être ce qui est encore plus précieux qu'elle m'a donné et là où elle m'a enfanté, c'est dans la foi. Parce que bien des fois, je l'ai vue prier. Premièrement, elle m'a conduit au baptême avec mon père. Mais ensuite, je l'ai vue prier. Tenir dans l'épreuve son chapelet parce qu'elle en a eu des épreuves. Mon père est décédé, j'avais 4 ans, on est 3 enfants. Mais plus d'une fois, je l'ai vu tenir dans la foi et nous encourager à tenir ce Dieu qui est là en toutes circonstances. C'est ma première mère. Ma deuxième mère, je viens un peu d'en parler. C'est l'Église. L'Église est notre mère. Je ne sais pas si vous connaissez Saint Jean 23. Jean 23 était pape avant Paul, avant, donc pour les plus jeunes, là, je vais vous faire une petite généalogie des papes, là. Le dernier pape, le pape présent, tout le monde en est d'accord, on le sait, François. Le pape d'avant. Benoît XVI, le pape d'avant, Jean-Paul II, lui c'est un peu long là, plus de 25 ans. Le pape d'avant, Jean-Paul Ier. Donc lui, il a duré 30 jours, pape. Parce qu'il est décédé malheureusement probablement d'un malaise cardiaque. Le pape d'avant, Paul VI, hein, qui était à peu près de la période du concile dans les années 62 à peu près, jusque dans les années 78-79, et le pape d'avant, Jean 23. Et le pape d'avant, Pie XII. Bon, mais je reviens à Jean 23. Donc Jean 23 était un pape qui n'a pas été longtemps, mais qui a été un cadeau de Dieu pour l'Église. Il a ramené un vent de fraîcheur dans l'Église. Ce pape rempli de bonté, que certains disaient c'est pas un théologien, donc ça va être un pape de transition, il fera pas grand-chose dans l'Église. Eh bien, il a fait le Concile Vatican II quand même, pour un pape qui ferait pas grand-chose. Mais l'une des choses qu'il a ramené dans l'Église, c'est la tendresse. D'ailleurs, il y a une de ses allocutions qu'il a fait à Noël, je pense, et il termine son allocution en disant: Et vous, les parents, vous donnerez une petite caresse ce soir à vos enfants et dites-leur que c'est la caresse du pape. Il voulait qu'on se rappelle que Dieu est tendre. En Dieu est père, mais il y a des entrailles de mère. Et le pape Jean 23 a écrit différentes encycliques, des lettres pour tout le monde, Mais l'une d'elles, c'est Ecclesiam Suam, en son église, et une autre, Mater et Magistra, mère et maîtresse. L'église, premièrement, avant d'être ma mère, c'est en fait son église. C'est en fait l'épouse de Jésus. Celui qui nous le pointe, il y a d'une part Saint Paul, mais avant lui, il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui s'était présenté comme l'ami de l'époux, le vrai époux étant Jésus. Mais Saint Paul pousse plus loin l'image et au fond, il dit que oui, lorsqu'il parle aux hommes, aux maris, il dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. » Il y en a qui sont mariés ici? Les hommes mariés. Est-ce qu'il y en a? Oh, il n'y en a pas beaucoup? Ah oui, plus haut, oui, levez la main. Très bien. Alors vous, messieurs, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Ça veut dire quoi? Il faut que vous soyez prêts d'embarquer sur la croix pour votre femme. Mais attention, mesdames, n'abusez pas de ce pouvoir. Parce qu'aussi, il dit aux femmes une parole qui ont de la misère à entendre. Hein? Soyez soumises à vos maris. Mais je ne ferai pas de débat sur cette partie qui, je pense, chacune... En fait, je vais le dire, puisque je me suis mis les pieds d'un plat. Alors, je vais plutôt expliquer ce passage difficile. Donc, dans Éphésiens, c'est le chapitre 5, les versets 20 et suivants, là, Saint Paul dit « Soyez soumis les uns aux autres », d'abord, c'est l'introduction. Ensuite, il dit aux femmes « Soyez soumises à vos maris, comme l'Église les soumit à sa tête ». Alors, notre féminisme québécois a du mal à entendre cette phrase. Mais ensuite, il prolonge en disant « Et vous, Marie, aimez vos femmes jusqu'à livrer votre vie pour elles. Le Christ a aimé l'Église, il la voulait toute pure, belle, sainte, immaculée, sans tache. » Il dit aux hommes « Quel homme méprise son corps? Aucun. Au contraire, on le soigne, on le nourrit, on en prend soin. Eh bien, de même, faites cela pour vos épouses. » Mais je reviens à la parole pas facile, « Soyez soumises à vos maris. » Je pense pas que c'est une soumission là non plus. Les hommes doivent pas abuser de cette parole, lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Je crois pas que Paul est en train de dire « Répondez, mesdames, à tous les caprices de votre monsieur. » C'est certainement pas ça que la parole veut dire, mais je pense que Saint Paul interpelle et l'homme et la femme dans sa difficulté propre, dans son défaut propre lorsqu'il est anxieux. L'homme, lorsqu'il est anxieux, plutôt que d'affronter ses responsabilités, qu'est-ce qu'il fait? Il se pousse, il se tasse, il s'en va, arrange-toi. Moi, je vais dans ma grotte. La femme, lorsqu'elle est anxieuse, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de contrôler les choses. On va essayer parfois de gérer encore plus, puis au point qu'on laisse plus beaucoup de place, des fois, pour le monsieur, et on laisse plus de place pour sa parole, comme si on devait tout gérer toute seule. Mais ni l'une ni l'autre attitude n'est bonne. Encore une fois, je reviens à la première. Phrase qui dit « Soyez soumis les uns aux autres de façon complémentaire. » Mais je reviens au propos principal de cette homélie. Ma mère, l'Église, ma mère, notre mère, elle est épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire elle ne fait qu'un avec lui. De la même façon que Jésus dit à l'homme, l'homme quittera son père et sa mère, il prendra femme pour épouse, ils ne feront plus qu'un. Eh bien, ainsi en est-il du Christ et de l'Église. Une phrase qu'on entend de nos jours, « Moi, Jésus-Christ, ça va, hein? Jésus-Christ, chemin, vérité, la vie, ça va. » L'Église, ah ben non, pas l'Église, c'est une gang de prêtres, de machos, de ci, de ça, puis plein de problèmes, d'institutions. Eh bien, il y a une dame, Jeanne d'Arc, les Français la connaissent peut-être, tempérament fougueux, qui a dit, mets ta vie, il met ta vie que le Christ et l'Église, c'est tout un, et qu'il ne faut pas en faire de cas. C'est tout un. Saint Paul prendra la comparaison, hein, que le Christ est la tête, le Christ total, saint Augustin déploiera cette image, le Christ total, c'est le Christ tête, Jésus de Nazareth, qui s'est fait, verbe fait chair, mais aussi avec ses membres. Et saint Paul dira, vous êtes les membres du corps du Christ. Nous sommes les membres du Christ. Donc, nous faisons partie du Christ. Mais en tant que membres du Christ aussi, nous sommes l'épouse du Christ. C'est au fond l'humanité qui se laisse embrasser par Dieu et qui, avec Dieu, ne fait plus qu'un, et qui, avec Dieu, on est appelé à être fécond, à donner la vie au monde. L'une des façons par laquelle l'Église est mère et nous donne la vie comme une bonne maman, c'est entre autres par les sacrements. Hein, vous connaissez les sacrements. Mais le premier sacrement par lequel l'Église nous enfante, c'est quoi? Le baptême. Hein, par le baptême, on est rendu fils et fille de Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu la joie de faire 3 baptêmes, 2 à Saint-Michel, 1 ici cet après-midi. Et la famille s'agrandit par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint non visible, mais aussi par la grâce visible de Dieu présente dans son Église. Ici, je fais une parenthèse sur l'accueil. Hein, vous avez remarqué, tantôt je vous ai demandé de s'accueillir les uns les autres, et il y a une grâce d'accueil ici dans cette paroisse. Merci à Marie-Chantal, toute son équipe, qui font du beau boulot. Mais pourquoi y a-t-il de l'accueil dans cette paroisse? Eh bien, encore une fois, c'est pour nous rappeler que Dieu est tendre et miséricordieux. Et une paroisse où il n'y a pas d'accueil, il manque Dieu, il manque quelque chose de Dieu. L'une des images que j'ai partagées à quelques-uns, mais que je partage avec délicatesse, mais je vous la partage quand même, je pense qu'une paroisse doit être accueillante comme un bon utérus. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a parfois, la vie est fécondée, un spermatozoïde a rencontré un ovule, mais il n'est pas capable de se nidifier dans la paroi utérine. Il y a un durcissement qui a pu y avoir pour toutes sortes de raisons, des stress ou des contraceptions antérieures, etc. Mais bref, la paroi ne peut pas accueillir l'enfant ou un stérilet. Mais en pleine période d'ouverture à la vie, de fécondité, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une grâce, un spermatozoïde qui rencontre un ovule? Eh bien, il se nidifie, il s'enracine et il grandit, il porte fruit, il peut même être un bébé qui voit le jour. Ainsi doit-il en être de nos paroisses, de notre Église. Sommes-nous accueillants pour la personne qui a pu être attirée, touchée par Dieu, par la grâce de Dieu dans son cœur et qui se dit, tiens, je vais aller à la messe aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai pas mis les pieds dans une église. Rencontre-t-il une paroi utérine accueillante? Accueillante, bon, vous riez, mais c'est sérieux ce que je veux dire, le cœur est profond. Est-ce que avons-nous des visages accueillants? Prenons-nous le temps de parler à ceux que je ne connais pas pour lui dire « Ah, salut, bienvenue, je te connais pas » et s'intéresser aux personnes. Donc l'Église nous accueille, nous enfante par le baptême. Elle nous nourrit par quel autre sacrement? L'Eucharistie, comme une bonne mère, chaque jour, si on veut, au moins chaque dimanche, elle nous nourrit par la parole, par le pain de vie. Elle nous fortifie par le sacrement de confirmation. Elle nous donne cet Esprit Saint qui nous rend fort, qui nous permet de grandir, de passer de l'enfant à l'adulte dans la foi. Comme une bonne maman, elle guérit nos bobos, hein, nos blessures d'amour. Il y a le sacrement du pardon par lequel elle lave nos plaies. Et aussi, comme une bonne maman, elle console par le sacrement des malades qui apporte de la tendresse dans nos souffrances et dans nos maladies. Comme une bonne maman, elle sait être là au moment important, entre autres au mariage, pour nous donner, encore une fois, accompagnement, conseil pour ces actes les plus importants qu'on veut faire dans notre vie. Et elle nous équipe aussi, elle nous donne des prêtres pour nous faire connaître Jésus, celui qui lui donne la vie. Remercions le Seigneur pour nos mamans biologiques, mais aussi notre mère, l'Église. Une façon d'aimer notre mère, c'est d'une part de ne pas en parler toujours en mal. Honore ton père et ta mère, c'est un commandement de Dieu pour nos parents biologiques. Je crois que c'est aussi un commandement de Dieu pour tous nos parents spirituels, pour tous nos pères et nos mères dans la foi. Ils ne sont pas parfaits. L'Église est pleine de pécheurs, moi le premier. Mais qui parmi nous n'est pas pécheur? Demandons la grâce de parler en bien de l'Église et même de nos évêques, de nos prêtres et du pape. Avant de lancer la pierre, prions donc pour eux, comme on peut prier pour notre mère. Et si on voit des défauts, des choses qui ne marchent pas, posons-nous la question, comment on peut les aider? Comment on peut les soutenir? C'est ça, aimer notre mère. Enfin, j'ai une troisième mère, c'est Marie. Celui qui me l'a donnée, c'est Jésus, au pied de la croix. Aux disciples qu'il aimait, il a dit, « Voici ta mère. » Et à partir de ce jour, Saint Jean nous dit, le disciple l'a pris chez lui. En ce jour de la fête des mères, je vous invite à prendre Marie chez vous pour qu'elle nous réapprenne à aimer notre mère, l'Église, pour qu'elle nous réapprenne à aimer même notre mère biologique, si elle n'a peut-être pas toujours été à la hauteur, mais aussi pour qu'elle nous apprenne à être un visage de tendresse parce que nous formons l'Église et que nous puissions être un visage de tendresse pour tous ceux qui s'approcheraient de l'Église et que la famille puisse s'agrandir. Merci Seigneur de ton plan d'amour, toi qui es Dieu et Père. Merci d'avoir voulu aussi déposer ce visage féminin dans l'humanité à travers ton Église. Donne, Seigneur, ta grâce. Merci pour toute cette vie. Amen.